les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Vivre seulement devant la réalité, ce serait insupportable. Une centaine de fragments racontent la vie d'une petite fille. Des fragments qui ne sont pas des miettes et qui composent un roman, La couverture du soldat. Un personnage qui avait envie d'aller au bout du monde pour rien. Le 30 septembre 1999, Alan Weinstein recevait la romancière Lydia George dans Du jour au lendemain. Comme la nuit où Walter rendit visite à sa fille, ses pas s'arrêtent à nouveau sur le palier. Il se déchausse contre le mur avec l'agilité d'une ombre. Il s'apprête à gravir l'escalier et je ne peux l'en dissuader ni l'arrêter pour la simple raison que je désire qu'il atteigne vite la dernière marche, qu'il ouvre la porte sans frapper et franchisse le seuil étroit sans dire un mot. Et c'est ainsi que les choses se passèrent. Du jour au lendemain avec Lydia George qui publie La couverture du soldat aux éditions Métellier. Ce livre, Lydia George, La couverture du soldat, c'est le sixième de vous qui est traduit aux éditions Métellier après Le rivage des murmures en 89, il y a 10 ans, La journée des prodiges en 91, La dernière femme en 95, L'instrumentaline en 95 et Le jardin sans limite en 98. Je crois que la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, vous nous aviez dit que sans l'écriture, vous n'existiez pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est ma façon de vivre. C'est ma façon de communiquer. Je ne peux pas m'en passer. Alors, j'écris. Depuis que j'étais enfant, ça s'est passé avec l'invention autour des mots. Je ne savais pas si un jour j'irais être une écrivain, mais je savais que j'irais écrire pendant toute la vie. Ce sont deux choses très différentes. Mmh. Et alors, je continue à penser la même chose. Une chose, c'est écrire puis publier, et une autre, c'est écrire. Et vraiment, j'écris. Après, la publication vient après. Ouais. Mais écrire, c'est un impératif. Je ne pourrais pas vivre d'une façon, comment dire, normale si je ne faisais pas cette incursion dans la vie où la mémoire est simplement un petit point de référence, parce que toujours quand on vient en arrière dans la vie, ce qu'on fait, c'est inventer. On ne revient jamais pour reproduire. Et ce jeu entre le passé, le présent, l'invention pour ajouter quelque chose au monde, ça m'est nécessaire. Ça est indépendant du talent. Ça est indépendant de la puissance qu'on peut avoir ou non. Pour transmettre ce que l'on veut transmettre. Mmh. Et alors, je le fais de mon mieux. Et alors, c'est vrai, ce que vous avez dit, je répète, c'est ça, vivre, c'est écrire. Oui, mais quand on vit au Portugal, qu'on est un écrivain portugais, est-ce qu'on est un écrivain comme un autre ? Écoutez, je pense que essentiellement, c'est être un écrivain comme un autre. Ce rapport avec l'écriture, je crois que c'est égal. Si l'écriture est essentielle pour la vie, ce lien avec l'écriture est égal partout. Ça fait partie de la condition de l'art, de l'artiste. Ça est indépendant du destinataire. Évidemment qu'il y a des conditions spécifiques au Portugal, puisque c'est un pays où les lecteurs sont peu nombreux, de très bon goût en général, et très exigeants et très critiques, parfois très secrets aussi, parce que les moyens de communication ne se produisent pas comme par exemple ici en France. Mais c'est vrai qu'il y a des lecteurs très exigeants au Portugal. Et alors, ça se fait, ça se passe bien à ce niveau. Mais évidemment qu'écrire au Portugal, ça signifie que pour franchir ce niveau de lecteur qui est très peu nombreux, pour un public plus large qui puisse nous aider à passer 2 ans seul en écrivant un livre, ça est difficile. Ça veut dire dans le plan de la vie, de la survie, ça n'est pas simple. Mais quand même, je suis fière, je ne veux pas me plaindre. Et d'ailleurs, j'ai, comment dire, il y a une quantité de lecteurs, heureusement, suffisant pour avoir cette sensation que je porte la parole d'un groupe et qu'il y a un dialogue qui se produit. Alors, oui. Je ne me plains pas. Ce sont des fictions que vous écrivez. Est-ce que c'est pour contribuer à ouvrir les yeux des gens sur le réel? Oui, c'est vrai. Et pour ouvrir les yeux sur la réalité et pour accroître, pour ajouter quelque chose à la réalité. Ça veut dire, quand on écrit, vous le savez, on choisit de la vie des points de référence, on mélange, et il y a comme une espèce de révélation, quelque chose de nouveau. Et je crois qu'en offrant ça, on stimule les autres à le faire le même, à rêver par eux-mêmes. Et alors, on fait un cadeau pour la rêverie personnelle de chaque lecteur. Alors, je crois que c'est aussi une invitation à ouvrir les yeux, oui, sur la réalité, mais à en dépasser, pour passer la réalité. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas vivre seulement devant la réalité. Ça, ce serait insupportable. Et peut-être aussi pour permettre aux gens de se délivrer de leur passé. Oui, et de le refaire, le passé. Parce qu'on ne se délivre du passé qu'en l'inventant de nouveau. Et alors, en le mettant de côté, il faut le revivre pour le passé. D'ailleurs, je crois qu'en général, mes livres, même pour moi, ça se passe de cette façon. En parlant du passé de mon pays, du passé proche de mon pays, parce que je n'écris jamais des livres historiques, c'est mon témoignage, c'est le témoignage de ma génération et de moi-même. Ce qui se passe, c'est que je fais des comptes avec ce passé, avec ce pays, avec cette société qui est une société spéciale en Europe, parce que c'est un pays qui met un contraste, un désir de modernité très fort, à côté exactement d'un monde archaïque très fort encore. Alors, on vit spécifiquement ces deux mondes. D'ailleurs, ce livre, il parle de ça. Oui, le précédent aussi. D'ailleurs, on se souvient bien que le précédent, le Jardin sans limite que vous étiez venu présenter ici, Lydia Georges, proposait une sorte de microcosme de cette société, à partir de la chronique d'un vieil immeuble de Lisbonne où se côtoyaient plusieurs générations, dans une indifférence aimablement parricide ou un ressentiment amer. Et la question posée, c'était comment construire un avenir à partir de ce présent vide de sens. Bon, c'est parce qu'on réclame l'absence du vide. Ça, c'est un rôle qui joue la littérature, qui joue la fiction. C'est que si on parle d'un vide, on réclame la présence. Si on parle d'un problème, on réclame la solution. C'est pas nécessaire de le dire à la dernière page, quelle est la solution. Ce qui est nécessaire, c'est que la dernière page, enveloppée par un message de beauté aussi, mais qu'elle réclame un ordre qui dépasse les pages du livre. Autrement, on serait sur les livres, sur les livres didactiques, sur les livres politiques ou autres. Et ce n'est pas la fonction de l'écrivain, oui. Du fictionniste. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que l'écriture n'est pas une arme à double tranchant? Surtout pour la narratrice d'ailleurs de ce roman précédent qui se contente d'observer et qui refuse toute responsabilité dans l'histoire. Oui, elle refuse, mais à la mesure qu'elle refuse, parce qu'il y a une ironie vis-à-vis de ce personnage, ça veut dire qu'elle revendique aussi, un rôle de témoignage intervenant. Alors, ça signifie que En regardant la réalité sans vouloir salir les mains, en le montrant dans le livre, ça veut dire qu'on doit salir les mains en réalité. On va peut-être abandonner le livre de l'année dernière, Lydia Georges, pour parler de celui de cette année, La couverture du soldat, traduit du portugais par Geneviève Lébric, et donc publié chez Anne-Marie Métellier. Alors le livre se présente comme une centaine de fragments qui sont comme les pièces d'un puzzle. Hein. Et c'est une vie, en fait, qui se recompose, la vie d'une petite fille, d'une famille qui peu à peu va éclater aux quatre coins du monde, d'une grande maison aussi de 18 pièces, où les pas de chacun résonnent, d'un faux père et d'un vrai père, qui sont en fait deux frères, de dessins d'oiseaux et d'une couverture de soldat qui servait à beaucoup de choses. Et votre question, est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas toujours une question. Pourquoi ce livre? Vous aimez les questions? Ça me protège, évidemment. La question choisie parmi tout ce que l'on a dedans pour dire nous provoque, alors on doit choisir la question. Bon, pourquoi ce livre? C'est un livre différent de l'autre. Ouais. Oui, c'est un livre... Et pourquoi cette forme? Pourquoi cette forme? Que je l'écrivais. Voilà, ce ne sont pas 100 miettes. C'est au contraire, je crois. D'ailleurs, ça sert simplement à me placer moi-même. Mais ça, c'est, c'est une espèce de prière de deuil devant la couverture du soldat, devant la couverture de ce père, qui est quelqu'un qui est proscrit dans le clan familial. Et ce père, le visage de ce père est toujours défait pour cette jeune fille. Et voilà qu'elle découvre, après sa mort, qu'il a eu une importance profonde. Et quand même, vous avez lu quelques lignes du début. C'était les premières lignes. Oui, c'était. Tout simplement. Simplement, oui. C'est vrai. Mais ces lignes, elles se réfèrent au seul moment d'amour entre père et enfant, entre père et fille. Mmh. C'est le moment où il, en cachette, va la trouver, va la rencontrer à la chambre. Et en synthèse, pendant une nuit de pluie, il est capable de lui dire tout l'important pour la protéger pendant toute la vie. Et la force de cette femme viendra toujours de cette rencontre faite devant le pétrole, dans la petite lumière de pétrole, en cachette toute la famille pendant que la nuit tombe. Ça veut dire que c'est un livre bâti sur un sentiment. C'est peut-être mon livre, celui de tous mes livres, peut-être celui qui est le moins baroque exactement par ça. Parce qu'au lieu d'être éparpillé et labyrinthique, je crois que c'est un livre fait autour d'une scène, autour d'un sentiment. Et il se passe pendant... Il y a des scènes qui se passent le long de 50 ans, mais quand même... Je crois qu'il y a une unité exactement par ça, parce que l'image, et d'ailleurs l'image qui m'a fait écrire, c'est exactement cette image. Deux images. L'image de la couverture devant laquelle elle, enfin, c'est comme si, s'il s'agissait du corps mort du père, et au même temps, cette image qui l'accompagne toujours de quelqu'un qui monte comme un voleur en cachette, pour la trouver pendant 3 heures dans une nuit profonde. Alors, pour moi, c'est un livre, il faut le dire, ce n'est pas un livre autobiographique, parce que tout le monde me demande, voilà, il s'agit d'une histoire vécue par vous, et ce n'est pas vrai, mais ce qui est, il y a deux choses qui sont vraiment autobiographiques, c'est la couverture du soldat, et c'est ce sentiment, au même temps, de deuil, et en même temps de résurrection devant ce personnage qu'elle est capable de dresser. Enfin, ce personnage qui est... Je crois que c'est un personnage vraiment portugais, hein, parce qu'il avait envie d'aller jusqu'au bout du monde pour rien, seulement pour une expérience ontologique, seulement pour connaître de plus. Et il pensait qu'en changeant de place, il changeait d'âme, il pensait qu'il changeait sa vie, la vie à lui-même, et qu'il allait, irait toujours améliorer. Et ce qui se passe n'est pas concrètement ça. Alors, c'est au même temps cette situation de diaspora, cette famille qui s'éparpille par autour du monde, avec cet homme qui est un proscrit, parce que les autres font fortune, ils reviennent en tant qu'émigrants, mais cet homme, il se perd. Alors, c'est la récupération de cette image. C'est comprendre qu'il a fait un pari devant le monde de connaissances et d'aventures qui est reconnu par la jeune fille et la jeune femme surtout. C'est une jeune femme qui a la possibilité de faire cette prière pendant cette nuit-là devant la couverture. Alors, pour moi, c'est un livre qui m'a donné beaucoup de plaisir à écrire exactement par ça, parce que ce n'était pas nécessaire de faire aucun effort. L'histoire était là, les personnages étaient là, tout était simplifié. L'histoire est venue à ma rencontre. Parce qu'il y a d'autres livres, par exemple Jardin sans limite, où il y a eu le problème de créer un puzzle. Il y avait un problème de dresser les choses, de faire une maîtrise des matières. Mais pour ce livre, c'est pas nécessaire. Il faut vous dire une chose intéressante, c'est que il y avait seulement 83 miettes, partie du livre. Et vous dites miettes. Miettes, on ne peut pas dire miettes. Si, mais on pourrait dire fragments. Fragments, ouais. Oui, partie, oui. Alors, chapitre. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que j'ai vu qu'il y avait une faute. Les chiffres étaient mal numérotés. Et alors, quand j'ai compté de nouveau, c'était 100. Alors, c'était intéressant. Je ne voudrais pas un nom rond, mais le nom rond est venu. Alors, j'ai accepté. Parce que écrire, c'est aussi cela, c'est accepter aussi ce que le hasard nous apporte sur la table. Vous l'aimez, ce livre ? Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'avais le doute si je devrais le publier. J'aimais ce livre. J'ai eu l'idée, en terminant ce livre, que j'avais écrit quelque chose que je voudrais faire, que je voudrais jamais ajouter un mot. J'étais contente, indépendamment de son sort, de la chance, du livre. Ça ne me regardait pas. J'avais eu une idée de... C'était un livre qui convenait à mon âme. J'ai eu cette idée de finitude qu'on éprouve devant un livre devant lequel on a l'idée qu'il est terminé. On ne doit revenir que pour le relire, mais pas jamais pour le refaire. Et peut-être que c'est la première fois que j'ai cette sensation devant un livre. Ça veut dire, j'ai aimé ces personnages, j'ai été dedans, et je crois que je suis encore dedans ce livre. Ça me regarde, c'est un livre, je pense, discret. Mais je suis contente quand je vois que les personnes qui entrent là-dedans, parce que ce n'est pas un livre, peut-être, ce n'est pas un livre destiné à être un livre populaire, mais je crois que... C'est un livre qui raconte une histoire quand même avec un suspense qui tient le lecteur en haleine. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ces ingrédients qui constituent en général les livres qui attachent beaucoup de lecteurs. Mais ce que je pense, c'est que l'analyse de ce sentiment de la jeune fille pour le père est déguisée d'une façon qui provoque les gens et qui ne rassure pas les personnes. En général, les gens, les lecteurs, aiment à la fin de la dernière page être rassurés, de dire « je suis capable de lire cette parabole, ça vient à ma vie, je la lis, je la comprends, je sais ce que l'on veut dire ». Et je crois que cette histoire d'amour, qui n'est pas une histoire simple, elle est complexe et pour laquelle il n'y a pas de mots, pas en portugais, pas en français, pas en anglais. Les mots échappent. C'est un sentiment profond pour lequel il n'y a pas de syntaxe verbale. Je crois que les gens se sentent stupéfaits. Et alors, on a envie de demander, de poser des questions. Et ça s'est passé. Et je comprends très bien pourquoi ça se passe. Et alors... ce qui m'est très agréable, c'est que les gens qui sautent là-dedans et qui se laissent s'en aller, après, elles parlent. Celles qui ont parlé avec moi, elles se prennent d'amour pour cette histoire, pour cette atmosphère, pour cette obsession et pour cet amour qui est là-dedans. Et alors, ça me regarde. Je crois que j'ai trouvé quelques lecteurs. Et heureusement, ils sont nombreux au Portugal, puisque, d'ailleurs, c'est la première édition maintenant. C'est en France. Au Portugal, il y a des lecteurs très touchés avec ce livre. Et je crois qu'il a fait un chemin, le chemin que, pour moi, c'est le plus important à la littérature. C'est un livre qui fait des liens entre les gens. Vous seriez très fâché, Lydia Georges, si je vous posais une question. J'y pensais en vous écoutant. Qu'est-ce que c'est que le visage d'un père ? Le visage ? D'un père. D'un père ? Oh oui, le visage d'un père. Je ne suis pas fâchée, hein. C'est provocant, mais c'est très important d'essayer de le dire. Hein. Parce que tous ces mots sont quelques pages, c'est exactement pour dire ça. Alors, je ne sais pas si je suis capable de vous préparer une synthèse, mais je dirais que le visage du père, pour une jeune fille et pour une femme, c'est surtout une espèce d'axe épique du monde. Ça veut dire, on espère du visage du père que ce visage protège, élève, nous sauve, soit à la fin de la vie, quelqu'un qui ait les bras ouverts pour nous protéger de tout, comme quand nous étions petites, quand nous étions jeunes filles, quand on était enfant. Alors, le visage du père, oui, c'est très méchant pour les pères, mais c'est vrai, on le confond avec un tout-puissant. Et toute la femme a besoin d'avoir, pendant l'époque magique de sa vie, pendant l'enfance, l'idée qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner tout, même la vie, pour donner cette protection et indiquer le chemin. Alors, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est que cette jeune fille, elle a construit le visage du père, même quand il n'était pas là. Et alors, exactement, la poésie autour de lui vient de ça. C'est elle aspirait la présence de lui d'une façon proportionnelle à son absence. Alors, elle a trouvé cet axe épique au dehors de sa présence. Elle a construit presque tout autour de lui. Et elle remercie le petit portrait qu'il a proportionné. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais c'est tout ce que je peux vous répondre. Mais est-ce que le propre du visage du père, ce n'est pas de se défaire ? Non, ce n'est pas de se défaire. On doit le défaire pour le refaire. Ça veut dire le refaire en le figeant. Cela signifie en lui sacrant. On le sacre au moment où l'on défait le visage. Ça veut dire on peut s'en passer à partir du moment où l'on défait le visage et après on part seul. Mais ça veut dire que le personnage est sacré déjà. Alors on porte seul exactement parce que c'est possible en sachant qu'il est dans le passé, figé et en nous regardant immobile. Mmh. Mais là, le père de la narratrice est un être plutôt étrange, hein, qui est radicalement différent des autres, enfin en tout cas de ses frères. Il a une conception différente de la vie et c'est quelqu'un qui dessine des oiseaux. D'ailleurs, il y a deux oiseaux sur la couverture de votre livre. Bon, il dessine surtout des oiseaux autour du monde. Alors, les cartes postales qu'il envoie à sa famille sont des cartes postales avec des oiseaux dessinés des pays où il vit au moment. Ce n'est pas un personnage étrange, je le trouve tellement normal. Hein? Normal dans le sens de possible, hein? Dans le sens de vraisemblable. C'est un personnage, comment dire, qui est quelqu'un de charmant, à mon avis, exactement parce qu'il veut connaître, il veut reproduire un univers. D'ailleurs, il est un artiste qui n'a pas les moyens de projeter la richesse de son âme. C'est à cause de ça qu'il couche autour du monde avec toutes les femmes, qu'il fait tellement d'enfants, qu'il se perd autour du monde exactement parce qu'il a une âme trop forte pour accepter une vie commune, une vie simple, une vie familiale normale. Alors, de mon point de vue, il n'est pas étrange. Il m'est très familier, je l'aime. Et quand on change de lieu, vous pensez qu'on ne change pas son âme ? On ajoute à l'âme, oui, on ajoute. Je suis d'accord qu'en changeant de lieu, on ajoute à l'âme, pas la nature, mais on ajoute en dimension. en expérience. Et alors, ce personnage a ajouté tellement à sa nature révoltée, à sa nature insoumise, qu'à la fin, il est capable d'avoir ce dialogue sourd avec la jeune fille. Parce qu'à la fin, c'est vrai qu'il a eu l'idée qu'il devrait laver son visage en lui faisant renvoyer la couverture du soldat propre. Et au contraire de la famille qui disait que la couverture du soldat était salie de terre de tous les pays à travers lesquels il avait traversé le monde et avait couché avec les femmes, il a eu l'idée, avant de mourir, d'envoyer cette couverture sans tache pour qu'elle puisse savoir que la moitié de ce qu'on disait autour de lui, c'était des mensonges, c'était des inventions. Et alors, c'est ce sentiment de réponse à la jeune fille, ou la jeune femme, qui fait aussi la réponse de la jeune femme. Alors, c'est un dialogue qui dépasse la vie commune. La couverture du soldat de Lydia George est publiée aux éditions Métellier. Du jour au lendemain, Christian Fontaine, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 1999. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.